الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى، très cher ou bien-aimé محمد المصطفى، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. غدا أو من ليلة اليوم يحتفل العالم المسيحي بميلاد Isa alayhi salam. Demain, ou bien même à partir d'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, le monde chrétien va célébrer la nativité de Jésus. Prière et salut sur lui. Wa bihadhihi al-munasaba sa'atakallamu al-yawma 'an al-masih Isa wa ummihi Maryam alayhi as-salatu wa salam, raison pour laquelle je vais parler aujourd'hui de Jésus et sa maman Marie, que la prière et les salutations soient sur les deux. Akbar hadath sar yawm wiladat al-masih alayhi as-salam annahu takallam wa huwa tiflun yani sabi. Donc l'événement majeur qui a marqué la journée de la nativité ou de la naissance de Jésus, prière et salut sur lui, était le fait que Jésus, prière et salut sur lui, a parlé, malgré qu'il était un bébé. Wa atrahu su'alan, je pose une question. Ma huwa al-kalam alladhi qalahu as-sabi Isa ibn Maryam? Quelle a été la parole qu'a tenu ce bébé, Jésus, fils de Marie? وهنا أعود باختصار إلى المعجزة الأولى التي صاحبت ولادته. Là, je reviens rapidement vers le premier miracle qui a accompagné sa naissance. وهي أن أمه مريم عليها السلام حملت به من غير أب تكلم صبي. هذه معجزة. في معجزة أكبر أنه ولد وليس له أب. أمه ما تزوجت. L'autre miracle qui a précédé celui de la naissance ou la parole lors de la naissance, c'est que sa mère Marie, paix et salut sur elle, est tombée enceinte de ce bébé Jésus sans avoir eu un mariage ou un père, c'est-à-dire à Jésus ou un mari à elle. فَلَمَّا جَاءَهَا الْمَلَكُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا. Lorsque l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est venu pour la voir, il lui dit dans ce verset, fil ayat al-karima, qala, yani Jibril, qala innama ana rasulu rabbiki liyahaba Allah, wa fi qira'a liahaba fi warsh liyahaba laki ghulaman zakiya. Il dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour qu'il te donne un garçon pur et béni. Fata'ajabat Maryam. Marie s'étonna. تقول الآية, le verset suivant dit, قالت أن يكون لي غلام, كيف يكون عندي ولد, أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. عمر شي راجل ممسني وأنا ما كنتش امرأة بغية. Elle dit, comment puis-je avoir un garçon alors qu'aucun humain ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été une femme de mauvaise vie. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Il dit, ça veut dire l'archange Gabriel, c'est ainsi qu'a dit ton Seigneur, cela m'est bien facile, mais bien facile à Dieu subhanahu wa ta'ala. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ عِيسَى وِلَادَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَبْ تَكُنْ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Et afin que nous en fassions, ça veut dire de sa naissance sans père, que nous en fassions un signe pour les humains et un effet de notre miséricorde. Après l'accouchement, le verset dit, elle vint à son peuple, ça veut dire Marie, elle vint à son peuple avec l'enfant dans ses bras. Ils dirent, oh Marie, tu as vraiment fait là quelque chose d'abominable. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني باك ماش كانش ديال هاد المصايب هادي، أمك كانت امرأة صالحة ما كانش كدير هاد الشيء هذا، كيف أنت قمتي بهاد الحرام. أو سور داغون، ton père n'a jamais été un homme de mal et ta mère n'a jamais été une femme de mauvaise vie. وهذا اتهام من قومها لها بالزنا. Ça veut dire le peuple de Marie l'a accusé de l'adultère. كيف تلد وهي غير متزوجة. Comment a-t-elle donné naissance alors qu'elle n'était pas mariée auparavant? وكيف زنت. Comment a-t-elle fait ou comment a-t-elle pu faire l'adultère? وهي المشهورة بالعبادة والتقوى. Elle qui est célèbre par l'adoration et par la crainte de Dieu. يعني هي كانت في المحراب عند زكريا لا تخرج. Elle était dans une chambre du temple chez le prophète Zacharie, prière et sage lui. Elle ne sortait pas. Elle ne faisait que l'adoration, adorer Dieu depuis bas âge, depuis son bas âge. Allah كان يخلق لها أمورا عجيبة. كان يدخل زكريا عليه السلام عندها فيجد عندها الطعام. Zacharie, Dieu lui accomplissait des merveilles, des choses extraordinaires. Zacharie entrait chez elle et il trouvait un repas, une subsistance. Et ce n'est pas lui qui lui a donné la subsistance. يجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء. Elle ou il, ça veut dire Zacharie, trouvait auprès de Marie les fruits d'été en plein hiver et les fruits d'hiver en plein été. Ces fruits descendaient du ciel pour elle, ça veut dire elle était une grande adoratrice. كانت امرأة تقية امرأة عابدة. والآن يتهمونها بالزنا. Cette femme adoratrice est accusée maintenant par l'adultère. هذا ابتلاء لمريم عليه السلام فهي العابدة التقية. Il s'agit là d'une épreuve pour Marie, prière et saïe sur elle. Elle, l'adoratrice, la pure, as-saliha, la vertueuse, tutaham bizina, on l'accuse par l'adultère. Akbar abid fi zamaniha, la plus grande adoratrice à son époque, tutaham bi akbar dhanb, on l'accuse du plus grand péché. Maryam allati ikhtaraha Allah li takun al-mar'ata al-wahidata allati dhakara al-Qur'an ismaha. Marie qui a été sélectionnée, qui a été choisie par Dieu, c'était la seule femme que le Coran a cité son nom. Le Coran n'a cité le nom, bien le prénom, d'aucune autre femme, à part Marie. وَجَعَلَ سُورَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تَحْمِلُ اسْمَهَا. Et Dieu a fait telle sorte qu'un chapitre coranique porte son nom, le nom de Marie. وَاخْتَارَهَا اللَّهُ لِتَكُونَ بَطَلَهُ بطلت معجزة ربانية من أعظم المعجزات. Dieu l'a sélectionnée pour qu'elle soit l'héroïne de l'une des plus grands signes de Dieu subhanahu wa ta'ala. أنها أم ابن من غير أب. Et le signe divin, c'est que elle est la mère d'un fils qui n'a pas de père. مريم التي قالت لها الملائكة في آية كريمة. Marie auquel les anges ont dit dans un verset coranique, wa idh qalati al malaikatu ya maryam inna allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nisa'il alamin fi zamaniha. Et lorsque les anges dirent, oh Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes, des humains ou de, du monde, ça veut dire le monde de son époque. لقد انقسم الناس في ميلاد عيسى عليه السلام الى اربعه اقسام. Les gens étaient partagés en ce qui concerne la naissance de Jésus en quatre groupes. قسم قال بان عيسى عليه السلام لم يوجد. Un groupe tout simplement a dit Jésus n'a jamais existé. Ce sont des gens qui ne croient pas à Dieu, ne croient pas à Jésus. وقسم قال بان عيسى عليه السلام ابن الزنا. Un autre groupe qui a dit que Jésus est tout simplement un fils d'adultère. بمعنى أن له أبا من البشر وأمه زنت. Ça veut dire il a un père, mais parmi les humains, et ça veut dire il y avait un adultère. وقسم قال بأن عيسى عليه السلام ابن الله أو هو الله. Et un autre groupe qui a dit non, Jésus est Dieu même, ou bien le fils de Dieu. وقسم قال بأن عيسى عليه السلام ابن مريم نبي الله. Et un autre groupe a dit que Jésus, prière et salut, le fils de Marie, est un prophète de Dieu. بمعنى لا أب له. Ça veut dire il n'a pas de père. والمسلمون من هذا القسم الأخير. Les musulmans font partie de ce dernier groupe. بمعنى برأوا مريم عليها السلام من الزنا. Ça veut dire les musulmans ont innocenté Marie de l'adultère. ودافعوا عنها. Et les musulmans ont défendu Marie. فالإسلام كان في جانب الذين برأوا وليس في جانب الذين اتهموا. L'islam était du camp de ceux qui ont innocenté et non pas de ceux qui ont accusé. وبعد عودة مريم عليها السلام, après le retour de Marie, paix et salut sur elle vers les siens, قال لها ابن خالها يوسف ابن النجار وهو ليس يوسف يعني ابن يعقوب عليهما السلام. Après son retour, un proche, un cousin à Marie lui dit, et c'était Joseph, وكان من الأتقياء من بني إسرائيل, et c'était un parmi les pieux et les adorateurs des enfants d'Israël. يا مريم, ô Marie, يا ابنة العم, ô ma cousine, إن في نفسي سؤالا, j'ai une question à te poser qui me fait mal. قالت وما هو يا يوسف, et laquelle, ô Joseph. قال لها أينبت زرع بدون ماء. Est-ce qu'une plante peut pousser sans être arrosée par l'eau. قالت له مريم, et Marie lui dit يا يوسف من الذي خلق الزرع. Ô Joseph, qui a créé la plante. قال لها الله. Il a répondu c'est Dieu. قالت من الذي خلق الماء. Ô Joseph, qui a créé l'eau. قال الله. Il a répondu Dieu. قالت من الذي جعل الزرع محتاجا للماء. Ô Joseph, qui a fait cette relation que la plante a toujours besoin d'être arrosée par l'eau. Il a répondu Allah. قال الله. قالت له إن الذي خلق الزرع والماء قادر على أن ينبت الزرع بدون ماء. Elle a répondu celui qui a créé la plante et l'eau est capable de faire pousser la plante sans l'eau. لا إله إلا الله. فلما اتهم بنو إسرائيل مريم عليها السلام واتهموا يوسف معها وفي رواية اتهموا النبي زكريا الذي كان يحرسها قالوا أنت الذي زنيت بها. Donc après que les enfants d'Israël ont accusé Marie de l'adultère et ils ont accusé Joseph, dans une autre version ils ont accusé le prophète Zacharie qui l'a élevé. تقول الآية, le verset dit فأشارت إليه, elle le leur désigna du doigt. أشارت إلى عيسى عليه السلام, يا عيسى تكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ils dirent comment parlons-nous à un enfant au berceau. بمعنى ما هذا الاستهزاء, ça veut dire c'est quoi cette moquerie. متى كان الصبي يتكلم, depuis quand le bébé parle-t-il. وهنا تحصل المعجزة الثانية. Et là le deuxième miracle s'accomplit. المعجزة الأولى صبي من غير أب. Le premier miracle, un enfant sans bébé. الثانية صبي يتكلم. Le deuxième miracle, un bébé qui parle dès la naissance. اسمعوا إلى ما قاله عيسى عليه السلام وهو صبي. Écoutez ce que Jésus, prière et salut sur lui, a dit, a prononcé lorsqu'il était encore bébé de quelques heures. كلام نسيه التاريخ, des paroles oubliées par l'histoire. كلام لم يذكره أي كتاب, des paroles qu'aucun livre sacré n'a cité. كلام لا يوجد إلا في القرآن, des paroles qui ne se trouvent que dans le Coran. Exclusivité coranique. تقول الآية, le verset dit قال إني عبد الله. يا يوسف يا عيسى تكلم. عيسى يتكلم مع الناس مع بني إسرائيل. إني عبد الله. Il dit je suis عبد الله. عبد, on peut la traduire par esclave ou par adorateur ou par esclave adorateur de Dieu. Il dit je suis عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عند الكبر سأكون نبيا. Il m'a apporté le livre et a fait de moi un prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Il a fait de moi une bénédiction là où je me trouve et m'a recommandé la prière et l'aumône légale, la zakat, tant que je suis vivant. وبرا بوالدتي, et plein de piété filiale pour ma mère. ولم يجعلني جبارا شقيا, et il ne m'a nullement fait un tyran misérable. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Paix et salut à moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. أول كلمة نطق بها إني عبد الله. La première parole prononcée c'était je suis l'esclave adorateur de Dieu, l'humble serviteur de Dieu. Subhanallah. يعني صبي يتكلم في المهد. Gloire et pureté à Dieu. Un bébé qui parle depuis le premier jour de sa naissance, ça va faire le tour du monde. Au moins, à l'époque, ça va faire le tour de la ville, le tour de toutes les villes. Ça veut dire que tout le monde va connaître cet événement. Et on va même dire, mon fils est né l'année où le bébé a parlé. Ou mon chameau est mort l'année où le bébé a parlé. Tout le monde a connu ça, c'est un miracle. Limada أي كتاب من الأناجيل الأربعة لم يذكر هذا الشيء. Pourquoi aucun livre parmi les quatre évangiles n'a cité ceci, sachant que c'était célèbre. لأن لو قيل في الأناجيل هذا الكلام لسمعنا بأني عبد الله وليس ابن الله. شيء يهدم ما قامت عليه المسيحية. Parce que s'il y avait un tel mot dans l'un des évangiles, ça va détruire tout simplement le dogme chrétien. Il a dit, je suis l'humble serviteur, adorateur de Dieu. Et il n'a pas dit, je suis le fils de Dieu. Inni Abdullah. Wa lam yaqul inni ibnullah. Il n'a pas dit, je suis le fils de Dieu. Athaniya, athaniya al-kitab. Il m'a porté... Il m'a apporté le livre. الثالثة وجعلني نبيا. Et il a fait de moi un prophète. ولم يقول وجعلني إلها. Il n'a pas dit il a fait de moi un dieu. الرابعة وجعلني مباركا أينما كنت. La quatrième, il a fait de moi une bénédiction là où je me trouve. الخامسة أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Il m'a recommandé la prière. La cinquième, il m'a recommandé la prière et l'aumône légale tant que je suis en vie. السادسة, la sixième, وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Plein de piété filiale pour ma mère et il ne m'a nullement fait un tyran misérable. لم يقل برا بوالدتي وبوالدي. Il n'a pas dit plein de piété filiale pour ma mère et pour mon père. لأنه ليس له والد. Parce qu'il n'a pas un père. وهنا برأ عيسى عليه السلام أمه. Et là, Jésus prière, et ça, lui, a innocenté sa mère. « Wa sabi'a, assalamu alayya yawma wulittu, wa yawma amutu, wa yawma ub'athu hayya. » La septième paix et salut à moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. « Assalamu alayya yawma wulittu, wa yawma amutu. » Paix et salut à moi le jour de ma naissance et le jour de ma mort. « Bima'na wiladati salam » ça veut dire ma naissance, la journée de ma naissance était une journée de paix et de salut, et la journée de ma mort sera la même chose, paix et salut. Bima'na lan uqtala wa lan usallab, ça veut dire je ne serai pas assassiné, je ne serai pas crucifié. Ça va être un autre qui va, que Dieu va donner ma forme, une ressemblance, et ils seront frappés de ressemblance et ils vont tuer un autre à la place de moi, mais moi je vais monter vers Dieu subhanahu wa ta'ala grâce à lui. Fahada mukhalif lissalam, parce que le fait de m'assassiner est contraire à la paix. Kanat hadhihi shahadat Isa alayhi salam, tel était le témoignage fait par Jésus quelques heures après sa naissance. Wa huna atrahu hadha at-tasa'ul, et là je pose cette question. Rubbama yaqulu qa'ilun hat lamma kabur, lorsqu'il a grandi, kana Yushfil Marda, lorsqu'il a grandi, il guérissait les malades avec un toucher. Avec un toucher de main, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts pour parler avec eux, et tout cela grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, et non pas grâce à un pouvoir propre à lui. الناس لما رأوا هذه الأشياء يحيي الموتى يشفي المرضى لا أب له يتكلم في المهد قالوا هذا هو ابن الله. Lorsque les gens ont vu qu'il est son père, il parle depuis l'âge du berceau, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, ils ont dit ça c'est le fils de Dieu, il a tous ses pouvoirs. Personne n'a eu dans le passé ses pouvoirs. ولد من غير أب وتكلم صبيا من غير تعلم, il est né sans père, il a parlé sans apprendre comme tous les autres. يجعلني منه إلها, tout ça fait de lui un dieu. فهو ليس كالبشر, il n'est pas comme les humains. البشر لهم أم وأب, tous les humains ont un père et une mère. ولا يتكلمون منذ الولادة, et les humains ne parlent pas depuis la naissance. الجواب يتكون من نقطتين, la réponse pour ces deux points se formule de deux autres points. فيما يخص الكلام في المهد, en ce qui concerne le fait de parler à l'âge du berceau, فعيسى عليه السلام ليس الوحيد الذي تكلم, dans l'histoire de l'humanité, Jésus prière et sa suite n'était pas le seul qui a parlé à bas âge. فهم ثلاثة تكلموا في المهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام البخاري. Ils étaient trois, comme l'a dit le prophète prière et sa suite, qui ont parlé à bas âge, et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. وفي روايات أكثر من ثلاثة, et dans d'autres versions ils étaient plus que trois, peut-être quatre ou cinq qui ont parlé à bas âge. النقطة الثانية, le deuxième point, عيسى عليه السلام لا أب له, Jésus prière et sa suite n'avait pas un père. نقول, on dit Allah Ta'ala wa tabarak خلق البشرية جمعاء على أربعة أنواع, Dieu a créé l'humanité entière sous quatre types. نوع من أب وأم, un type ou un groupe qui a un père et une mère. وهو أنا أنت هي إلى آخره, et c'est moi, toi, lui, tout le monde. ونوع لا أب له ولا أم, un groupe ou un type qui n'a ni père ni mère. وهو آدم عليه السلام, et c'était Adam prière et sur lui. ونوع من أب وليس له أم وهي حواء, et un autre type qui a un père mais qui n'a pas une mère, et c'était notre mère Ève qui a été créée à partir de notre père Adam. وبقي نوع رابع, il reste un seul type pour finir la puissance divine dans la création. وهو عيسى عليه السلام أب من أم وليس له أب, qui avait une mère mais qui n'avait pas de père. لتكتمل أنواع القدرة الإلهية في خلق البشرية, comme ça la puissance est totale de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la création de l'humanité. ولا يمكن أن نقول عيسى ابن الله لأن ليس له أب. On ne peut jamais dire Jésus est fils de Dieu et le est fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père. وإلا قلنا آدم ابن الله كذلك. Sinon on va dire Adam est le fils de Dieu aussi. لأن معجزة آدم أعظم فليس له أب ولا أم. Parce que le miracle d'Adam est énorme. Il n'avait ni père ni mère. يقول الله في آية قرآنية. Dieu dit dans un verset coranique: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. L'image de Jésus pour Dieu est comme celle d'Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Il le créa de terre puis lui dit sois et il se réalisa. فالله هو الخالق. Dieu est le créateur. يخلق ما يشاء. Il crée ce qu'il veut. Mimma yasha, à partir de ce qu'il veut. Kayfa yasha, comme il veut. Fa subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui. Lamma arsala Allah ta'ala wa tabarak, lamma arsala salihan alayhi salam ila qawmihi thamud. Lorsque Dieu le Très-Haut a envoyé Salih, prière et salut sur lui, ce prophète Salih, ce prophète arabe, vers son peuple Thamud, طلبوا منه معجزة كدليل على نبوته. Son peuple lui a demandé un miracle, d'accomplir un miracle pour prouver sa prophétie. فقال لهم اطلبوا ما تريدون. صالح leur dit demandez ce que vous voulez comme miracle. فقالوا نريد ناقة تخلق من هذه الصخرة الكبيرة. Ils lui ont dit on aime voir la création d'une chamelle à partir de ce rocher. فتوجه صالح عليه السلام إلى ربه. Il se dirigea vers son Seigneur. ودعاه أمام الناس. Et il l'invoqua devant les gens. وإذا بالصخرة الصلبة تتحرك كأنها في طلقات الولادة. Et ils ont vu que le rocher dur bougeait à gauche et à droite comme s'il faisait les contractions d'accouchement. وتخرج منها ناقة حاملة. Et à partir du rocher, Dieu a fait sortir une chamelle pleine qui va donner par la suite naissance à une petite chamelle. ناقة حاملة عشراء ستعطي ستلد ناقة أخرى صغيرة. وكفر قوم ثمود. Et le peuple de ثمود ont mécru à صالح. ناقة حاملة منذ ولادتها لتلد ناقة أخرى. هذه هي قوة الله في الخلق. Telle est la puissance absolue de Dieu en matière de création. فالناقة تشبه آدم. La chamelle ressemblait à Adam. Adam خلقه الله من طين من غير أب ولا أم. Adam a été créé par Dieu à partir de l'argile, de la terre, sans père ni mère. والناقة خلقها الله من حجر من غير أب ولا أم. Et la chamelle a été créée par Dieu à partir du rocher, à partir de la pierre, sans père ni mère. والناقة الصغيرة تشبه عيسى عليه السلام. La petite chamelle ressemblait à Jésus, prière et sage lui. لأنه خلق من أم من غير أب. Parce que Jésus a été créé à partir d'un père, à partir d'une mère, son père. والناقة الصغيرة خلقت كذلك من أم بغير أب. Et la petite chamelle a été créée à partir d'une mère, son père. فهل الناقة الصغيرة بنت الله. Est-ce qu'on va dire que la petite chamelle est la fille de Dieu. استغفر الله. Je demande pardon à Dieu. فالله لم يلد ولم يولد. Dieu n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Et la puissance de Dieu dans la création réside dans le fait خلق آدم من طين, la création d'Adam à partir de l'argile, et la création de la chamelle à partir de la pierre, et la création des anges à partir de la lumière, et la création des démons ou des diables à partir du feu. Et la création des cieux et de la terre à partir de la fumée ou bien d'un gaz. Et la création du gaz à partir de rien. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. Dieu est l'unique créateur. Parce qu'il a créé toute chose à partir d'aucune autre chose. كن فيكون. Soit et la chose se réalise. أما البشر فصانعون وليسوا بخالقين. Tandis que les humains, ils ne sont que des simples fabricants et non pas des créateurs. لأنهم يصنعون أشياء من المواد التي خلق الله. Parce que les hommes, ils fabriquent des choses, des portables, des avions, des voitures, mais à partir de matières premières créées d'abord par Dieu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit, hada khalqullah, telle est la création de Dieu, fa'aruni mada khalaqa alladhina min duni, montrez-moi maintenant ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui, balid dhalimuna fi dhalalim mubin, mais les injustes sont plutôt dans une erreur évidente. Aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci adorateur de Dieu. غدا يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد. Demain les chrétiens vont célébrer la fête de la nativité, ميلاد عيسى عليه السلام, l'anniversaire de Jésus, prière et saint sur lui. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر بعجالة تاريخ هذا العيد. À cette occasion j'aimerais rappeler brièvement l'historique de cette fête. في القرن الرابع, dans le 4e siècle, وبالضبط 330 سنة بعد عيسى عليه السلام, exactement 330 années après Jésus, après le début de Jésus, prière et saint sur lui, حددت كنيسة روما 25 دجنبر كتاريخ لولادة المسيح. L'église de Rome a décidé ou a fixé le 25 décembre comme date de naissance de Jésus, prière et saint sur lui. هذا التاريخ ليس محل إجماع عند المسيحيين. Cette date ne fait pas l'unanimité ou le consensus auprès de tous les chrétiens du monde. وقد اختارت الكنيسة تاريخ 25 دجنبر لأن الناس كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بعيد كفري, بعيد كفر. L'église a choisi la date du 25 décembre parce que à l'époque en Europe les gens célébraient une fête païenne, c'est-à-dire de mécréance. عيد الشمس التي لا تغلب, la fête du soleil invaincu, ou bien solis invictis. فأرادت الكنيسة تغطية هذا العيد بميلاد عيسى عليه السلام. L'église a voulu recouvrir cette fête païenne de mécréance par la nativité de Jésus, prière et saint-Jean. وقالت بأن عيسى عليه السلام هو شمس العدالة. Elle a dit que Jésus, prière et saint-Jean représente le soleil de la justice. وضوء العالم, il représente la lumière du monde. وفي القرون الوسطى, pendant le Moyen Âge, أضيفت للعيد الشجرة, شجرة التنوب. Et pendant le Moyen Âge, on a rajouté, vers 1500, on a rajouté à cette fête l'arbre du sapin. لأنها كانت تصور في ذلك الزمن كشجرة الجنة, parce que le sapin à l'époque figurait comme l'arbre du paradis. وفي أواخر القرن السابع عشر ولدت في إنجلترا أسطورة الأب نويل. Et dans la fin du 17e siècle, 17 siècles après Jésus, prière et saint-Jean, il y a eu la naissance en Angleterre de la légende du Père Noël, موزع الهدايا, dispensateur des cadeaux. ومع الأسف الأب نويل الخيالي طغى كثيرا على هذا العيد في عصرنا. Malheureusement, le Père Noël imaginaire a dominé trop la fête, ou bien cette fête à notre époque. فالناس العاديين يذكرونه في هذه الأيام أكثر مما يذكرون عيسى عليه السلام الذي هو أصل العيد. Les gens ordinaires mentionnent pendant ces jours de fête le Père Noël plus qu'ils mentionnent Jésus, prière et saint-Jean, qui est à l'origine de cette fête. وأحب أن أقوم هنا بملاحظتين. Là, j'aimerais formuler deux remarques. الأولى, la première, علينا احترام معتقدات المسيحيين كما نحب أن تحترم معتقداتنا. Nous devons, mes frères et mes sœurs, respecter les dogmes ou la conviction, les croyances des chrétiens comme on aime que la nôtre soit respectée. فكل الناس أحرار. Tous les gens sont libres. أن يعبدوا ربهم بالطريقة التي يظنون أنها صحيحة. Ils ont le droit, ils sont libres, ils ont le droit d'adorer, tout le monde a le droit d'adorer son Seigneur à la manière qu'ils pensent juste. La deuxième remarque, في الإسلام عندنا عيدان. En islam, on a uniquement deux fêtes. عيد الفطر وعيد الأضحى. La fête du sacrifice et la fête du Ramadan. بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. Et ceci depuis l'époque de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui nous a montré comment il faut faire et comme quoi il faut célébrer. C'était le premier, c'était lui le premier qui a célébré pour nous ces deux fêtes. وعيد نويل ليس من أعياد الإسلام. La fête de Noël ne fait pas partie des fêtes musulmanes. شراء الشجرة تبادل الهدايا في 25 décembre إلى غير ذلك ليسوا من أعمال المسلمين ولا الإسلام. Le fait d'acheter un arbre, le fait de s'échanger des cadeaux le 25 décembre, tout ça ne fait pas partie des œuvres de l'islam. تريد أن تحتفل بميلاد عيسى عليه السلام. Tu veux célébrer, mon frère ou ma sœur, la nativité de Jésus, prière et sache lui. اقرأ غدا سورة العمران وسورة مريم. Lis demain les deux chapitres coraniques, la famille d'Imran, qui parle de la naissance de Jésus, et le chapitre de Marie. أما أن تفعل مثل الآخرين, mais le fait de faire comme les autres, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة جميع الأديان. Le prophète prière et sa souligne nous a donné les ordres de ne pas faire comme les autres religions et de ne pas faire comme les non-musulmans. Comme le verset coranique, à vous votre religion et à moi la mienne. Et il a dit prière et sa souligne, n'est pas des nôtres celui qui imite les autres. رواه الترمذي rapporté par l'imam Tirmidhi. وفي رواية من تشبه بقوم فهو منهم يكون معهم غدا يوم القيامة. Celui qui imite un autre peuple, il fera partie d'eux, c'est-à-dire il sera avec eux le jour de la résurrection. رواه أحمد وأبو داود rapporté par l'imam أحمد الإمام أبو داود. فتقليد دين آخر حرام في الإسلام بل كفر. Imiter une autre religion que l'islam est interdit en islam, plutôt c'est une mécréance. والمقلد لدين آخر, l'imitateur d'une autre religion, عنده نقص في الإيمان, il a une carence dans la foi. نقص في الشخصية, une carence dans la personnalité, وعزة النفس, une carence dans la fierté. وأكبر حيوان مقلد, le grand animal imitateur, هو القرد, et le singe. وأكبر حيوان بلا شخصية ولا عزة, هو الخنزير. Et le grand animal qui n'a pas de personnalité à lui, qui n'a pas une fierté, c'est le porc. ولما أراد الله معاقبة قوم من الأقوام, lorsque Dieu a voulu punir un certain peuple, جعلهم قردة وخنازير, il les a rendus à l'état de singes et de porcs. وكأن الله يقول لنا يا مسلمين لا تكونوا بأهوائكم بمرادكم أنتم قردة ولا خنازير, comme si Dieu nous disait que, ô musulmans, ne soyez pas par votre propre choix des singes ou des porcs. Le vrai musulman n'imite pas les porcs. Il a sa, n'imite pas les autres. Il a sa propre fierté. Le musulman ne doit pas se transformer en un singe, macaque. Il ne doit pas être un porc. وهناك من شباب المسلمين مع الأسف من لا يؤمن بعيد نوئل كعقيدة. Il y a malheureusement parmi les jeunes musulmans ici en France ou en Europe ou en Occident des jeunes qui ne croient pas en la fête de Noël comme croyance. ولكنهم يغتنمون هذه الفرصة, mais ils profitent de cette occasion. للاحتفال بالمناسبة بالخمور, afin de fêter pendant cet événement, l'alcool, al-mukhaddirat, la drogue, al-musiqa wal-raqs, la musique et la danse, wal-haram et l'interdit. La shughla lahum, ils n'ont aucune préoccupation, ils n'ont rien à faire. Yuhibbuna al-khawda wal-la'ib ma'a kull man yakhud wa ma'a kull man yal'ab. Ils aiment participer à la fête de tout le monde. Ils n'ont rien à faire. Ils aiment jouer avec toute personne qui veut jouer. قال تعالى, Dieu dit, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ. Dieu dit, laissez-les donc à leurs intrigues et à leurs jeux jusqu'à ce que le jour promis vienne pour les surprendre.